بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية للشيخ أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le livre فضل رب البرية dans l'explication de الدرر البهية de l'imam Shawkani rahimahullah, et l'explication est celle du Cheikh Abil Hassan Ali Ramli afizahullahu ta'ala. Et nous sommes toujours dans le grand chapitre de la purification. Et nous avons vu Bab al-Wudu. Nous sommes toujours dans Bab al-Wudu, le chapitre de l'ablution. Et nous allons entrer dans un sous-chapitre du Bab al-Wudu qui est wa yustahabbu at-taslis. Nous avons vu de façon résumée comment prendre les ablutions, ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. Et nous continuons toujours dans ce sous-chapitre qui est la parole de l'imam Shawkani rahimahullah. Il dit wa yustahabbu at-taslis, il est préférable de laver les membres trois fois, c'est-à-dire yastahibbu lil mutawaddi, il est préférable pour celui qui prend les ablutions an yaghsila ada al-wudu'i ثلاثة مرات. Il doit laver. C'est préférable qu'il lave les membres de l'ablution trois fois. وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Cela est venu du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم de façon authentique dans le hadith de Osman qui a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et c'est venu aussi du hadith qui est rapporté par البخاري المسلم في حديث عبد الله بن زيد قال مساجد الله صلى الله عليه وسلم على في الممبر deux fois donc c'est venu trois fois c'est venu deux fois mais ce qui est obligatoire والواجب مرة واحدة c'est une seule fois qu'on lave les membres, c'est ce qui est obligatoire. والمستحب والأكمل, ce qui est préférable et plus complet, ثلاث غسلات, c'est trois fois on lave les membres. نعم. والسنة, ce qui est la sunna, c'est de varier, de ne pas rester sur un nombre chaque fois, trois fois. Souvent, lorsqu'on sait qu'on vient de se laver, on est propre, on peut laver les membres une fois. Et souvent aussi, on varie, on lave les membres de l'ablution deux fois. Souvent aussi, on fait trois fois, une fois. Donc, kul hadha waridun. Et il y a aussi des savants, tels que Cheikh Albani, rahimahullah, qui envoient aussi des tests pour montrer qu'on peut varier entre les membres. C'est-à-dire, il y a des membres que tu peux laver une fois, d'autres tu peux laver deux fois, d'autres tu peux laver trois fois. Voilà, Aïdan Sahih, mais le Cheikh n'a pas parlé de cela ici. Ça va? Naam. Qawluhu. Maintenant, la parole de l'imam Shawkani, fi ghayri ra'si. On lave trois fois, c'est préférable de laver trois fois, tous les membres sauf la tête. sauf le sillage de la tête. C'est-à-dire, yastahibu tasnis fi kulli al-a'dha ghayr ar-ras. C'est préférable de laver les membres trois fois, sauf la tête. Car la tête, fala yastahib. Ce n'est pas préférable. Li'anna al-ahadith. Car les hadiths, kullaha, tous les hadiths, ja'at bi mashi ar-ras. Tous les hadiths sont venus montrer que on doit essuyer la tête une seule fois. Tous les hadiths waradat, mais c'est venu ba'd al-hadith, certains hadiths bima sirasi salasan. Certains hadiths sont venus d'essuyer la tête trois fois. Non, d'essuyer la tête trois fois. D'autres mashayikh sont sur cela. Lakin kulluha da'ifa. Tous les hadiths sont da'if. Tous les hadiths qui sont venus d'essuyer la tête trois fois, tous ces hadiths sont da'if. La yasihu minha shay. Rien de ces hadiths n'est authentique. Wa sahih, ce qui est authentique, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il essuyait la tête une fois. Ça va? Il essuyait la tête une fois. Maintenant, qawluhu, la parole de l'imam Shawkani. Wa italatul ghurrati wa tahjil. Le fait d'allonger al-ghurra. Al-ghurra, c'est la blancheur du visage. Al-tahjil, ce sont les membres. Les quatre membres. C'est-à-dire les deux bras et les deux pieds. Est-ce que il est conseillé de faire itala? Itala, c'est quoi? C'est de dépasser. Bimana, tu laves ta main jusqu'à dépasser les coudes. Ça va? Jusqu'à arriver même souvent à l'épaule, comme on voit certains le faire en se basant sur l'action de Abu Huraira. Radiallahu ta'ala. Mais ici, l'imam Shawkani, il a affirmé cette parole. Il a dit, italatul ghurra wa tahjin. On va voir cela, le hukum de cela. Si c'est correct de le faire, ou bien si ce n'est pas correct de le faire. Al-ghurratu, d'abord vous devez savoir que al-ghurra, c'est bayadul wajh, c'est la blancheur du visage. Wa asluha, la base même de ghurra, c'est ghurratul faras. La blancheur du visage du cheval. C'est-à-dire le cheval, sur le visage, c'est blanc. C'est ce qu'on appelle al-ghurra. Ma forme, wa tahjil, le tahjil, c'est bayadun fil yadayn wa rijlayn. C'est une blancheur dans les deux pieds et les deux, hein. Lorsqu'on dit, hadha al-faras innahu ghurra wa tahjil, ce cheval, il a ghurra et tahjil, ça veut dire quoi? Son visage est blanc et ses pattes, ses quatre pattes sont blanches. Donc ici, le asul de cela, ce sont les qawa'im du faras. Donc ici, l'auteur du livre, il a dit qu'il est préférable d'augmenter dans le lavage de quoi? De coudes. C'est-à-dire, on ajoute sur les coudes et les deux pieds. Fatashraou fil adou, tu commences à laver le bras. Ça va? Wataghsiluhu, tu le laves bien. Watashra au fissak, dans le pied, tu commences à laver la jambe. Watakhsilwa, et tu la laves. Waqad qala bihada taba'an, l'auteur du livre, il a dit cela en suivant qui? Les Abi Huraira. Abi Huraira radiallahu anhu, faqad ja'ali nabi sallallahu alayhi wa sallam qal. Et c'est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, inna ummati ya'tuna yawm al-qiyama. Ma communauté viendra le jour de yawm al-qiyama ghurran. Les visages blancs, muhajjalin, et les pieds, les membres, blancs, min athar al-wudu, à cause des traces de l'ablution. Qala Abu Huraira, et c'est Abu Huraira maintenant qui dit, faman istata', celui qui peut, an yutila, augmenter la lumière, si ses membres, yani ghurratahu, il a utilisé le mot ghurra. Pourtant on a dit ghurra, c'est quoi? la blancheur du visage. Donc, si on va sur les hadiths, est-ce qu'il y a le dalil pour augmenter les mains? On va sur la parole de Abu Huraira. Il dit, فَمَنِ سَطَعَ أَنْ يُتِي لَغُرَّتَهُ فَلْيَفَعَلْ. Celui qui peut augmenter sa ghurra, qu'il le fasse. Comment on peut augmenter ghurra du visage? Yumkin? Toyib. Nous allons voir le jugement. وَلَا تَصِحْ. Ce n'est pas correct. فَإِنَّهَا إِشْهَادٌ. C'est un ishtihad min Abi Huraira. Zina de Abu Huraira radiallahu anhu. Et c'est la parole d'Abu Huraira. Toyib. On va venir avec la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah sur cette masala. Qu'est-ce qu'Ibn Taymiyyah dit? Hadhihi lafza, ce mot-là, la yumkin, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, man istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Ce mot, cette phrase, Ibn Taymiyyah dit, la yumkin, ce n'est pas possible, an takuna min kalamihi, sallallahu alayhi wa sallam, que cette phrase soit de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Fa inna al-ghurra, ta la ghurra, la takunu fil yad. Ce n'est pas dans la main. Hein? Pourtant, Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il a dit, Manistata an yuti la ghurrata wa faliyafal. Tayyib, si on dit la parole, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yumkin, parce qu'il y a une erreur même déjà dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Il y a une erreur déjà dans la parole. Wa ita la takunu illa fil waj. La ghurra, ce n'est que dans le visage. Wa ita la tuhu et allongé ghayr mumkina. Ce n'est pas possible. Et il t'adkhulu fi ras, quand ça va rentrer dans la tête. Comment? Est-ce qu'on peut allonger les parties du visage? Le visage, c'est à partir du man bitu shar, là où les cheveux poussent, jusqu'au menton. La largeur, c'est shahmatul ozun, ici. La graisse ici, jusqu'à ici. La largeur, c'est ça. Bon, manesata ayuti la gurrata, comment tu augmentes? Tu vas laver maintenant la tête. Ce n'est plus le visage. N'est-ce pas? Donc ici, Ibn Taymiyyah, il dit, Fala tusamma tilka ghurra. On n'appelle pas la blancheur des mains ghurra. Intaha kalamu. Voici, fin des citations. Ibn Qayyim dans sa Nouniya, il fait rat sur, yani, la parole de ceux qui disent qu'on peut augmenter la ghurra. Hein? Hatta, il montre que, Khairul Hadi, Hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh dit pareil ici. Wa Khairul Hadi, Hadi Muhammad. La meilleure guidance est la guidance de qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa innahu lam yarid anhu. Ce n'est pas venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam annahu fa'ala. Qui l'a fait cela? Ma fa'alahu Abu Huraira. C'est ce qu'Abu Huraira a fait. Innama alladhi awrada. Ce qui est venu, annahu shara'a fil 'adud wa zira. C'est-à-dire, il a lavé la cheville, n'est-ce pas? Et il a failli rentrer un peu dans la jambe. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a lavé le pied, il a lavé la cheville, et il a failli rentrer un peu dans la jambe afin de laver, c'est-à-dire d'être sûr qu'il a lavé la cheville. Et aussi pour le coude. Il a lavé afin d'être rassuré qu'il a lavé, mais il n'a pas allongé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait cela. Aïe, c'est-à-dire, bada bishayin yasir minha. Une petite partie. Hatta yastaw'il awajib. Afin de englober ce qui est obligatoire. Quand tu laves la main, le coude en fait partie ou pas? Ça en fait partie. Mais si tu te limites au coude, est-ce que tu as lavé le coude? Tu dois dépasser un peu le coude afin de laver le coude et afin de laver aussi la cheville. Iznahuna waqfa. C'est ce qui montre ici que la sunna, on ne suit personne en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, regardez Abu Huraira, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté avec le compagnon, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 ans. Abu Huraira a fait que 3 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est ahfazu as-sahaba. Il est celui qui a mémorisé plus de hadiths que tous les compagnons. Walakin, ici, on ne suit pas sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, Daouna min kalami fulan wa alan. Laissez-nous avec la parole d'un tel, un tel. Tant que cette parole n'est pas conforme au dalil, qu'est-ce qu'on fait avec? Nam nadribu bihi kama qala imam Shafi. Nadribu bihi ard al ha'it. On prend, on jette au mur. On ne fait rien avec. Khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. والبياض الذي يكون على المسلم la blancheur qui sera sur le visage du musulman يوم القيامة le jour de la résurrection هو مواضع الوضوء c'est les endroits d'ablution qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré sans augmentation ce sont les endroits d'ablution c'est qu'Allah a légiféré sans augmentation البياض غرة يأتون غرا محجلين min asaril wudu y a une trace de l'ablution. Tayyib, si tu t'es limité ici, n'est-ce pas? Donc cette partie, c'est cette partie qui va s'illuminer, qui va être de lumière, le jour de Yom al-Qiyama. Donc est-ce qu'on a besoin d'augmenter cela? On n'a pas besoin. Ça va? Wa yukhsha à la manzada, et on craint pour celui qui va augmenter en yadoukoula fi hadith, qui rentre dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fini de prendre les ablutions, il dit, haza wudu'i, il dit, voici mon ablution. Voici l'ablution qui est la sunna. Fa manzada ala zalik, celui qui augmente sur cela, fa qad ta'adda, il a dépassé les limites, wa asa'a, il a mal fait, wa zalama, et il a fait de l'injustice. Wa hadha hadith akhrajahu Ahmad wa Abu Daoud wa Nasa'i wa Ibn Majah. Tayyib. C'est-à-dire, on ne doit pas dépasser. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, là où il s'est limité, on se limite là-bas. Le commentaire d'Abu Huraira, c'est le commentaire d'Abu Huraira. Nahtarimu, on le respecte comme étant un compagnon. Mais là, qu'il khayrul hadi, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh dit, wa taqdimu siwaq. Et d'évancer le siwaq pendant les ablutions. Nam, c'est-à-dire, yastahibbu, il est préférable, taqdim al-siwak, de prendre le siwak avant, qabla al-bad'i, bi ghusl ada al-wudu, avant même de commencer à laver les membres de l'ablution. À cause de quoi? Le qawli sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, laoula an ashuqqa ala ummati. Ça veut dire, si je ne craignais pas de rendre les choses difficiles pour ma communauté, la amartuhum biswaq, j'allais les ordonner de prendre le siwaq inda kulli wudu, à chaque ablution. Wa ma siwaq, fa min al ulama man hamalahu ala maqsoudi tanzif al asnan. D'autres ont pris le sens du siwaq pour dire le but, c'est de laver, c'est-à-dire de rendre propre les dents. Donc, ils ont mis les pattes dentifrice dans le sens du siwak. D'autres ont dit là. À Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il prenait quoi? Siwak min arak. Du bois de arak. Donc, cela montre que c'est une chose, c'est un bois qu'on utilise. Maintenant, après, celui qui veut se brosser, qui se brosse, walakin, ce qui est connu, c'est le bois, le petit bâton que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour le faire. Wa khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Mais on peut se nettoyer les dents aussi avec les pattes. N'est-ce pas? Avec les brosses. Non. Donc ici, qawluhu. Mais avant de rentrer dans cela, c'est à quel moment on prend le siwak pendant les ablutions? C'est à quel moment? Non. Au moment de faire al-madmada. Ça va? Comme cela a été rapporté, il y a Ali ibn Abi Talib qui prenait sa main pour mettre entre ses dents lorsqu'il faisait les ablutions. Donc c'est venu aussi de certains compagnons. Tayyib. Ensuite il dit wa ghuslu al-yadayni ila ar-rusghayni thalasan qabla ash-shuru'i fi ghusl al-a'dha'i al-mutaqaddima. Et laver les deux mains ila ar-rusgh. Le rusgh c'est ici. C'est al-mifsal, l'articulation qui est entre la paume et le bras. Enfin, et l'avant-bras qui est ici. Ça va? On appelle ça comment? Le poignet. Ça va? Le poignet. Donc, laver les deux mains jusqu'au poignet avant de prendre les autres, laver les autres membres. Alors, ici, le cheikh, il a dit, on lave cela avant maintenant de prendre les ablutions. Toyim. Wa ghusl yadayn awwal al-wudu, laver les deux mains au début de l'ablution, mustahabun libittifaq. C'est préférable, par le consensus. Le consensus des savants, c'est préférable de faire cela. Toyib. Wa sabitun min fi'l an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est venu de façon authentique de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi, dans le hadith de Ousmane. Ousmane ibn Affan wa ghayru, et autres que les compagnons. Donc ici, comme nous avons fait le tanbi la fois passée, laver les deux mains avant de prendre les ablutions, c'est-à-dire dès que tu prends le bouilloire ou bien de l'eau, laver les deux mains avant de commencer à laver les autres membres, est une sunna, c'est préférable. Mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire si une personne a une main qui est déjà propre, dès qu'il vient, il prend l'eau, il met directement dans sa bouche. Parce que sa main est déjà propre. Ça va? Mais d'autres se basent sur ce lavage-là. Et lorsqu'ils arrivent sur le fait de laver maintenant la main jusqu'au coude, ils ne lavent pas la paume. Directement, khalas, ils commencent comme ça. C'est-à-dire quand ils prennent l'eau, ils veulent laver les deux mains, ils commencent à laver comme ça. C'est-à-dire qu'ils commencent à partir du poignet et ils lavent maintenant ici en oubliant cette partie. Parce qu'il s'est dit qu'il a lavé au début. Alors celui qui fait cela, son ablution est nulle. Faghsilu aydiyakum. Dans le verset, ça veut dire min ru'usil asabi' ila az-zira' jusqu'au coude. Ça va? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ensuite, l'auteur du livre, la base, qui est Durarul Bahiyya, et des Faslun, sous-chapitre. قال المصنف رحمه الله. Le cheikh Ali Ramli dit, l'auteur du livre dit, Faslun, c'est-à-dire sous-chapitre. وينتقد الوضوء. On est rentré maintenant dans quoi? Dans les annulatifs des ablutions. Ce qui annule les ablutions. وينتقد الوضوء بما خرج من الفرجين. L'ablution est nulle à partir de ce qui sort des deux sexes, min aynin, comme un solide, ou rihin, ou bien du vent. Le aïn, c'est ce qui est vu. Quand quelqu'un urine, on voit que c'est de l'urine. N'est-ce pas? Quand quelqu'un fait la selle, on voit que c'est la selle. Maintenant, il a précisé, il dit, au rihin. Est-ce qu'on voit le rih? Le vent, on voit? On voit pas. N'est-ce pas? Bada al-muallif rahimahullah, l'auteur du livre, il a commencé, huna, bi bayani nawaqid al-wudu. à clarifier les annulatifs de l'ablution. Allati yufsidu al-wudu bi hudusiha, qui détruit l'ablution lorsqu'elle arrive. Fadhakara awwalan, il a mentionné premièrement ma kharaja min al-farjaini, ce qui sort des deux sexes. Min aynin aw rih, de ce qui est vu, solide, ou bien ce qui est le vent. Tayyib. D'autres peuvent se poser la question, qu'on est farjaini, c'est farjul unsa wa zakar. Amadoubour. Tayyib. Est-ce que quand on dit farjain, c'est le farj de l'homme et de la femme? Parce que ici c'est musanna. Non, ici les deux farj, ça veut dire al-qubul wa dubur. Ça va? Al-qubul, c'est-à-dire ce qui est devant et ce qui est derrière. Ce sont les deux farj. Ça va? Tayyib. Le farj, c'est ici. Amun, c'est un nom général. Mais ça vient de faraja, qui veut dire trou, ou bien espace. Ça va? Tayyib. Wahuma, ce qui sort des deux sexes, ou bien des deux farj, on peut le dire, devant et derrière, makhraj al-bawl wal-gha'it, c'est-à-dire là où l'urine sort et la selle sort, fa idha kharaja minha shay, si quelque chose sort de là, yura bil-ayn al-basir, qu'on voit avec les deux yeux, kal-bawl wal-gha'it, comme l'urine et la selle, wa dam, le sang, wa doud et les vers, intaqad al-wudu 'inda al-mu'allif. La vision est nulle chez l'auteur du livre. Parce qu'il a généralisé. Il dit, ma kharaja min al-farjain. Ce qui sort des deux farj. N'est-ce pas? Donc, même si un verre, sort, ou bien du sang, comme ceux qui ont l'hémorroïde par exemple, souvent ils voient du sang derrière, est-ce que son ablution est nulle? Tayyib, c'est ce qu'on va voir. وَالْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ, ce qui sort des deux voies, comme on peut le dire, نَوْعَان, c'est de deux sortes. نَوْعُن مُعْتَادُ الْخُرُوجِ, il y a une sorte qui sort habituellement. Là, tout le monde connaît cela, c'est quoi et quoi? الْغَائِتِ, la selle, وَالْبَوْلِ, n'est-ce pas? وَا, arri, le vent, walmani, hein, le sperme, walmazi, ce qui vient après la shahwa, mais qui n'est pas le sperme, walwadiw, ce qui vient après l'urine. Ça va? Fahadi sitta. C'est six choses, hein, c'est naoul motad. C'est ce qui sort habituellement devant le sexe ou bien derrière. Mafoum? Wa naw ghayr al-mu'tad al-khuruj. Mais il y a ce qui ne sort pas d'habituel. Yani de façon habituelle. Tayyib, comme par exemple, ad-doud, le ver. Hein, celui qui a les vers dans le ventre, souvent quand il va à la selle, il voit des vers. Souvent le ver même sort même sans qu'il n'ait pas à la selle. Ça va? Il y a aussi wal-hasa, les petites pierres. Wa-dam, le sang, wa-shiar. Souvent même les cheveux sortent de là. N'est-ce pas? Donc ici, on va voir ensemble ce qui annule. Parce qu'on a cité beaucoup de choses. N'est-ce pas? Non. Adam. Non. Les six qu'on a cités, il n'y a pas Adam. Damul Haïd. Nam, ici c'est dans le sens général que le cheikh il a cité. Nam. Hein? Voilà, dans le sens général. Ça va? Amma dalil ala intiqad al-wudu bi khuruj al-gha'it. La preuve qui montre que l'ablution est nulle lorsque la selle sort. Qui peut me donner la preuve? Dans le verset wa in kuntum marda ou على سفر أو جاء من Right. Donc voici la preuve. Si vous êtes malade, comme Allah le dit ici, ou bien vous êtes en voyage, ou l'un d'entre vous quitte Allah, seul, ou la mastumunisa, ou bien vous avez touché les femmes, c'est quel touché? C'est masou, comme ça? Non, c'est de toucher la femme, de façon réelle, comme on le connaît dans notre jargon. Falam tajidu ma'an, parce que vous êtes déjà en état d'impureté. Si vous n'avez pas trouvé de l'eau, fatayam mamou, soyez dans tayyiba. Prenez l'argile pure et faites le tayammum. Donc ici on a notre preuve de al-ra'it. Tayyib. Le dalil qui montre que le ra'it fait partie de ce qui annule l'ablution. Parce que le cheikh il a cité plusieurs choses ici. Et nous, c'est à nous maintenant de prendre ce qu'il y a dalil dessus. On dit, ça annule les ablutions. Ce qu'il n'y a pas de dalil, ça n'annule pas. Ok? Parce que la base, c'est quoi? At-tahara. C'est la purification. Hein? Tayyib. Donc ici, dalil wa ala anna khuruj al-ghaid min al-batni naqd al-wudu. La preuve qui montre que la selle, si ça sort du ventre, ça détruit les ablutions. Wayahtaju lil-wudu. Il a besoin de l'ablution. Fa in lam yastati al-wudu. S'il ne peut pas, fatayammam. Qu'il fasse le tayammum. Maintenant, la preuve qui montre que al-baoul fait partie des annulatifs de l'ablution. C'est le hadith de Safwan ibn Assal, qui a été rapporté par l'imam Tirmizi et autres. Qala Zir ibn Hubeish. Il dit, je suis allé chez Safwan ibn Assal et je lui ai posé la question au sujet de l'essuyage des chaussons. Ça va? Kana Rasulullah faqala, il a dit, Safwan ibn Assal, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait, idha kunna fi safar, quand lorsqu'on est en voyage, alla nanzi'a khifafana, de ne pas enlever nos khuf. Ayyaman wa layalihina, des jours et des nuits, illa min janaba. Sauf si on est en état de janaba. Mais voilà qu'il met, min ra'it, lorsqu'on est on a fait la selle, wa baoulin, et on a uriné, wa naoumin, et on a dormi, on n'enlève pas. Ici, le dalil montre que le baoul fait partie des impuretés. N'est-ce pas? Taïd. Aïe, c'est-à-dire, Amarana, il nous a ordonné, idanta kadawudu una. Si nos ablutions sont nulles, minaj, salas, de ces trois choses, wahtijina, et on a eu besoin, annatawabda, de prendre les ablutions, ala nanzi akhifafana. De ne pas enlever nos khuf. Bal natawabda, on prend les ablutions, wa namsa alayha, et on est sûr. Lakin, mais, min al-janaba, lorsqu'on est en état d'impureté majeure, qu'est-ce qu'on fait? Nanzi khifafana. On enlève nos chaussons, c'est-à-dire le khuf ou bien les chaussettes. Ça va? Donc, voici notre preuve. Ash-shahid illa min janaba. Le témoin argumentatif, c'est, sauf la janaba, walakin min ra'it wa baulin wa naw. Mais, le ra'it, la selle, l'urine, le sommeil, on n'enlève pas, on prend les ablutions, malgré qu'on est en état d'impureté. Donc, il y a la preuve ici qui montre que le baoul, l'urine, et puis la selle sont des annulatifs de l'ablution. Quant à la preuve du vent, ça va? C'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا. Si quelqu'un sent quelque chose dans son ventre, pendant qu'il est dans la prière, فَأُشْكِلَ عَلَيْهِ. Et il a commencé à douter. أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْئًا لَا. Est-ce que quelque chose est sorti ou bien ce n'est pas sorti? Ça arrive beaucoup. N'est-ce pas? Toyib. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, « Fala yakhruj min al-masjid » qui ne sort pas de la mosquée, « Hatta yasmaw sautan » jusqu'à ce qu'il attende un bruit. Hein? « Aw yajid rihan » ou bien il sente une odeur. Ça, c'est un remède pour ceux qui ont des wasawis. Hein? Mais, moulahaza, j'apporte une remarque. Si tu es sûr là, faut pas dire je n'ai pas entendu bruit, je n'ai pas senti. Ok? Si tu es sûr, pardon, faut te lever. On dit le doute. Tu doutes. Sinon, quand toi-même tu fais là, tu es sûr que tu as fait, donc tu te lèves. Hein? Taïb. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, voici la preuve qui montre que le vent fait partie des annulations de l'ablution. Ensuite, wa khurujul mani, la sortie du sperme, kazalika naqidul wudu, annule l'ablution bil ijma, par le consensus. Quel musulman dit, si le sperme sort, l'ablution n'est pas nulle? Hein? Même Ibn Hazm n'a pas dit ça. Ok? طيب وخروج المني كذلك لخروج المني سيباري قال ابن منذر رحمه الله في الإجماع ابن منذر دي dans son livre الإجماع il rapporte les إجماعات هذه les consensus il dit وأجمع les savants sont unanimes على أن خروج الغائط la sortie de la selle من الدبر de l'anus وخروج البول la sortie de l'urine من الذكر du sexe وكذلك المرأة la même chose pour la femme وخروج المني la sortie du sperme وخروج الريح la sortie du vent من الدبر de derrière وزوال العقل et la perte de la raison بأي وجه زال العقل par n'importe quel moyen la raison est partie. Ahdasun, ce sont des choses, yanqudu kulla wahid minha at-tahar. Toutes ces choses-là annulent la purification, wa yujibu al-wudu, wa naqalahu ghayruhu. Et d'autres ont rapporté cela. Il a précisé ici, khuruju rih min ad-dubur, de l'anus. Mais souvent il arrive que des femmes posent des questions, elles disent que souvent le rih sort pas du dubur, de l'autre côté. Est-ce que ça annule les ablutions? Là. Ici, khuruju rih min ad-dubur, de l'anus seulement. Ma femme, amma, si c'est sorti de l'autre côté, là, il y a un coup de l'eau. Ça n'annule pas l'ablution. Wa amma al-mazi, quant au mazi, wa qad taqaddama ta'rifu. Al-mazi, c'est quoi? Al-mazi. Après la shahwa. Toyib. Faddalilu ala annahu naqdi al-wudu. La preuve qui montre qu'elle annule l'ablution. Qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Innama su'ila an khuruji. Lorsqu'on lui a posé la question au sujet de la sortie du mazi, il a dit quoi? Yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Il lave son sexe et il prend les ablutions. Donc ici, ça montre que ça annule les ablutions. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim. Wa naqala ghayru wahidun al-ijma', ghayru wahidin al-ijma' ala annahu naqid al-wudu. Et beaucoup de savants, quand on dit ghayru wahid, ça veut dire beaucoup de savants, ce n'est pas seulement un savant, qui a rapporté le ijma', le consensus qui montre que cela annule les ablutions. Donc, il dit, unzurhum, regardez leurs paroles, si mawsu'ati, الإجماع في الفقه الإسلامي. Donc quant au الوادي فما يخرج من الذكر بعد البول ce qui sort après l'urine ça annule l'ablution ou pas? Hein? Ça c'est dalil ou akli? Hein? On a dalil ou akli? On n'a pas besoin de nas. Ou bien, hein, à Brésil. Pourquoi? Quel est le dalil? Faut pas trop réfléchir. On y s'assoit après l'urine. Hein? S'assoit après l'urine. Donc si l'urine est déjà sortie, ton ambition est... Est-ce qu'on a besoin de Wadi ou Bouza? Hein? On te dit d'aller là, qu'il est en train de réfléchir. À quoi? Va faire bien que tu réfléchis à madame. Ça va passer vite. Donc, ici, qu'est-ce qu'il a dit? Nous revenons à cela. Le Wadi ou c'est ce qui sort du sexe après l'urine. Qala Ibn Munzir. L'imam Ibn Munzir dit wa amma al-wadi. Quant au wadi, fa huwa shay'un yakhruju min az-zakari ala ithri al-bawl. C'est ce qui sort du sexe lorsqu'on urine. Wal wudu yajibu bi khuruj al-bawl. L'urine et l'ablution est obligatoire lorsque l'urine sort. N'est-ce pas? Wa laysa yujabu bi khuruj shay' illa al-wudu. Ça va? Alladhi wajaba bi khuruj al-bawl. Donc, l'ablution devient obligatoire. Pourquoi? Lorsque le wadi sort à cause de la sortie de l'urine. Ça va, intaha. Naqala ghayr wahid al-ijma' ala annahu naqil al-wudu. La majorité des savants rapportent le consensus qu'elle annule les ablutions. Et regardez aussi dans Mansou al-ijma' fi al-fiqh al-islami. Non. Vas-y. Non, il peut arriver. Voilà pourquoi il est conseillé de ne pas faire insiraf mubashara. Parce qu'après il y a rachacha, il y a des parties qui peuvent goûter encore. Après l'urine, prends le temps. Ça va? Mais ne pas directement uriner et puis paf, toi c'est parti. Souvent le wadiou peut venir après, juste après. Ça va? Donc tu prends le temps de nettoyer. Quand je dis le temps, on n'a pas dit de rentrer avec le journal au WC, ni avec ton portable pour aller manipuler. Rester pendant longtemps, tu dis non que c'est Wadiou là, j'attends. Mais quand sorti, hein? Tu prends un peu de temps, un peu, hein? Pour voir, et puis après, tu laves ton sexe. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc ici, wa amma ghayrul mu'tad. Écoutez très bien maintenant. Notre din est une religion de preuve. N'est-ce pas? Ce qui ne sort pas d'habitude. Hein? Wa fa in kharaja ma'ahu. Si elle sortit avec cela. Hé, viens t'asseoir. Vous la laissez. Si elle sortit avec ce qui n'a pas l'habitude de sortir, l'urine est sortie avec, ou bien la selle est sortie avec, alors il taqad al-wudu bil bawl wal ghaith. L'ablution est nulle à cause de l'urine et de la selle. C'est-à-dire, si c'est des vers qui sortent, et ils sont sortis avec la selle, est-ce que c'est à cause des vers que l'ablution est nulle? Hein? C'est à cause de la selle, n'est-ce pas? Donc en ce moment, nous disons que l'ablution est nulle. Mais est-ce que c'est à cause des vers? Non. Soyez. Wa in lam yakhruj ma'ahu. Mais si la selle ne sort pas, baulun, c'est-à-dire l'urine n'est pas sortie, wala gha'ita avec cela, fala yantaqidu al-wudu. L'ablution n'est pas nulle. Li anna al-ulama, car les savants, ajma'u ala taharat al-mutawaddi. Ils sont unanimes sur la pureté de celui qui a pris les ablutions. Wa'i tohara, et cette purification, la yajuzu dawa naqdiha. Ce n'est pas permis de prétendre que c'est nul. Il l'a dit dalil sahih min al-kitab wa sunna wal ijma'. On ne peut pas dire que l'ambition d'une personne est nulle, sauf avec les preuves correctes du Coran et de la Sunna et du consensus. Certains savants sont allés, il a annaha, que cela, nawaqidul wudu, wahtajju bil qiyas. Et ils sont allés, à dire que c'est nawaqidul wudu, et ils se sont basés sur le qiyas. Ils sont allés sur le qiyas, pourquoi? Parce que, ils ont utilisé le fait que l'urine sort de l'autre côté, et aussi la selle sort de l'autre côté, et ils ont dit, le qiyas c'est quoi? Naqis. Et on dit quoi? Tout ceci sort des deux sexes, des deux voies, ça annule les ambitions. Donc, wa nahnu naqul. Le chef dit, nous on dit, al qiyas hauna. Le qiyas ici, la mahalla lahu. Il n'y a pas de place pour le qiyas ici. Hein? Li anna taharat, car les purifications ibadatun, ce sont des adorations, ta'budullah bien, tu adores Allah avec. Khalquhu, ces créatures adorent Allah avec, ghayru ma'qulati ilala. Et on ne peut pas raisonner les causes. Vous comprenez? Wa qad yakhruju min al-makhraj al-wahid, peut sortir d'une seule sortie, ma yujibu al-wudu, ce qui fait rendre l'ablution obligatoire, wa ma yujibu al-ghusl, ce qui fait rendre aussi le lavage obligatoire, wa ma la yujibu shay'an, et ce qui ne peut rien rendre obligatoire d'une seule sortie. Donc on ne peut pas s'asseoir pour réfléchir. Nous on regarde les tests, qu'est-ce qui annule l'ablution? On a vu le test l'urine. On a vu aussi maniou, maziou, ces choses-là qui annulent l'ablution. Mais quand tu as dit les vers, cheveux, sang, est-ce qu'on a une preuve pour ça? Hein? On n'a pas de preuve pour cela. Comme l'urine, le maniou, le sperme, le haïd, le menstrui, ou l'istihada et les écoulements constants, alors tout cela peut sortir d'un seul trou et avoir des différents jugements. Fallait ça illa hiya istihad al-makhraj. La cause ou bien le problème n'est pas que les choses sortent du même endroit, mais les choses peuvent prendre les différents aspects et les différents jugements. Wa ba'd al-fuqaha, le chef il va blâmer un peu certains fuqaha. Et dit tajidouhu yatakallaf. Il fait takalluf. C'est-à-dire, il essaie de se forcer. Fait istimbat. Afin de faire istimbat ou istikhraj al-illa. Pour faire sortir la cause. Mimma yajaluhum. C'est ce qui fait que ceux-là maintenant, yabta'idouna anistawab. Ils s'éloignent de ce qui est correct. Parce qu'ils disent, non, si la illa, ça doit sortir. Si ça sort, tout ce qui sort alors, ça annule les ablutions. قوله لا بارول الامام شوقاني يجي ensuite وبما يوجب الغسل et ce qui rend le grand lavage obligatoire annule les ablutions, n'est-ce pas? طيب اي ويجب الوضوء مما يوجب الغسل. L'ablution est obligatoire de ce qui aussi rend obligatoire le lavage, n'est-ce pas? قال المصنف لتاد ليبري دي لا خلاف في انتقاضه به. Il n'y a pas de divergence. Il n'y a aucune divergence. Que ce qui rend obligatoire le grand lavage annule les ablutions. La janaba annule les ablutions ou pas? Ça annule les ablutions. Qu'al ijma, comme le consensus qui est venu, sur quoi? Lorsque les deux sexes se rencontrent. Hein? Le coulement du sperme. Le fait que les deux sexes se rencontrent, on va bien expliquer cela. Yujibul ghusl rend obligatoire le grand lavage. Wa yujibul wudu et rend obligatoire l'ablution. Wa kadhalika nuzul al-mani. C'est le même nuzul al-mani. Ça va? L'écoulement du sperme. Fama nuzulul mani, Quant au coulement du sperme, فتقدم الحديث عنه. Le hadith est venu, on a vu. واما التقاء الختانان او ختانين. Le fait que les deux khitan, les deux endroits, circoncision, excision, se sont rencontrés, annulent les ablutions. فقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم. C'est venu dans le hadith que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit, إذا جلس بين شعبها الأربع, s'il s'assoit entre ses quatre membres, ثم جهدها, c'est-à-dire il la touche ou pénétré, فقد وجب الغسل. L'ablution devient obligatoire même s'il n'a pas éjaculé. Est-ce que vous comprenez? وفي رواية أخرى, dans une autre riwaya, il dit, إذا مس الختان الختان, si les deux endroits de circoncision et d'excision se sont rencontrés, فقد وجب الغسل. Mais la compréhension de ce hadith, c'est quoi? إذا غاب حسفت ذكر رجل في علاج المرأة فقد وجب الغسل. C'est-à-dire que si l'homme y pénètre jusqu'à ce que le bout de son sexe disparaît dans celui de la femme, وجب الغسل. L'ablution devient, enfin le lavage devient obligatoire, même s'il n'a pas éjaculé. Ça va? طيب. هذا يوجب الغسل. Voici ce qui rend le lavage obligatoire. إذن فهو ناقض الوضوء. Donc ici, elle annule l'ablution. ونقل الجماع على أن الجماع. Et aussi, il a rapporté le consensus que le coït, يعني تغييب الحسف في فرج المرأة, la disparition du sexe de l'homme dans celui de la femme, ينتقد الوضوء وإن لم ينزل. Ça annule les ablutions même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. جماعة من العلماء. Il y a beaucoup parmi les savants qui ont dit cela. Un groupe de consensus. وكذلك الحيض والنفاس. C'est de même le حيض, les menstrues et les louchies. C'est un consensus aussi pour dire que cela annule les ablutions. قوله ونوم المضطجع. Le sommeil étendu. C'est-à-dire tu dors en étant étendu. Est-ce que ce sommeil annule les ablutions? Le cheikh il dit, quand il dort étant déjà étendu, le sommeil annule les ablutions. Mais à cause du temps, je pense pas que nous allons rentrer dans ce jugement. Ça va? Car il est un peu long. طيب. On va essayer quand même de rentrer dans ce jugement. Il dit, as-sahi, ce qui est correct, an-nawma mazinnatun, c'est un moyen لنقض الوضوء, pour annuler l'ablution. وليس ناقضا للوضوء. Le sommeil lui-même n'annule pas les ablutions. Mais le sommeil mène à l'annulation de l'ablution. Aïe, anna nauma laysa ka khuruj al-bawl. Le sommeil n'est pas comme la sortie de l'urine, par exemple. Ce n'est pas aussi comme la sortie de al-gha'it. Ça va? Ou un nafsuhu, c'est-à-dire le sommeil, iza kharaja naqada al-wudu. C'est-à-dire ici, le gha'it et puis le baul, si eux ils sortent, ça annule les ablutions. Bal, ici, estimal naqd al-wudu ma naum warit. On peut supposer que l'ablution est nulle avec le sommeil. Parce que quand quelqu'un dort, il se réveille, il ne sait plus. Est-ce qu'il a... Hein? Donc, il y a un estimal, il y a une supposition. N'est-ce pas? Faminal ja'iz an yakhruj ar-rih min an-nawm. Ça peut être possible que le vent sort avec le sommeil. Wa qad la yakhruj, il se peut qu'il ne sort pas. Fa yantaqidu wudu'u, et son ablution est nulle, idha kharaja wa huwa la yash'ur. Si il fait sortir le vent pendant qu'il lui-même ne sait pas. فَلَمَّا كَانَ النَّوْمُ. Donc comme ici, le sommeil مَضِنَّا mène à quoi? لِنَقْدِ الْوُدُوُ, à l'annulation de l'ablution. صار لابد من الوضوء منه. Donc c'est ce qui rend maintenant, on dit, c'est obligatoire de prendre les ablutions. Est-ce que vous comprenez? Comme le hadith vient, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Ainan wika usa. Al-Ainan wika usa. Les deux yeux sont les bouchons du derrière. C'est-à-dire, si tu ne dors pas, si le vent vient, tu sais très bien qu'il arrive. Hein? Et tu sais comment le maîtriser. Ou bien, hein? Mais, quand tes deux yeux sont fermés, le bouchon s'ouvre, le derrière s'ouvre. En ce moment, il est permis, il n'y a plus de contrôle, il sort comme il veut. Hein? Donc, Al-Aina, Wika, Oussa, les deux yeux sont le bouchon du derrière. N'est-ce pas? Donc, on a ici le dalil aussi dans le hadith de Safwan ibn Assal qu'on a vu lorsque quelqu'un lui a posé la question sur les khifaf. Il a dit, Janaba, on n'enlève pas, on enlève le khouf, mais les autres, il a dit, An-Naoum. Il a dit ça ou même pas? Il a dit, Min Ra'itin, la selle, Wa Baoulin, Wa Naoum. Il a mis le Naoum parmi les annulatifs de l'ablution. Fahada yadullu ala anna Naoum, Nakhil Wudu. Cela montre que le sommeil annule l'ablution. C'est venu de façon authentique d'après Anas bin Malik, radiallahu anhu, Anahu qal, Innahum kanu yanamun. Anas bin Malik dit, on dormait. Fatah fiq ru'usan, ru'usuhum. Et leur tête, hein, se balançait. C'est-à-dire celui qui dort. Et souvent, sa tête va, ça vient. Hein? Summa yusallun. Ensuite, il priait, la yatawadda'um. Il ne prenait pas les ablutions. Pourquoi? Parce que c'était pas un sommeil profond. Ça va? Wada yadullu. Cela montre que, ala annan naum, que le sommeil, ghayru naqdi al-wudu, ça n'annule pas aussi les ablutions. Mais les savants se sont divergés fil jam' dans le fait de rassembler entre ces ahadiths-là. D'autres ont dit, d'autres sont allés à dire que ce que le mu'allif a dit, naum mutajjih, si tu couches, couché, si tu dors couché, alors ton ablution est nulle. Mais d'autres sont allés en disant la différence entre le fait de s'asseoir et le fait de se coucher. Ils ont dit, si tu te couches, ton sommeil est profond. Mais si tu es assis, ton sommeil est léger. N'est-ce pas? Donc, ils ont dit en ce moment, manama jalisan, celui qui s'assoit assis et qui s'assoit pour dormir, rien ne sort de lui. Contrairement à celui qui est couché. Mais, ce qui est sorti, anal jalis, celui qui s'assoit, il a qu'un mustagrikan finnaum. Si le sommeil l'a, a pris le dessus sur lui, hein, yakhruju minhu ri, le vent sort, wa huwa la yashur, pendant qu'il même il ne sait pas, wa in kana jalisan, s'il est assis. Hein? Comme cela peut arriver souvent, on va citer ici une parole. Wa bima anna naum mazinatul hadas, comme le sommeil est un moyen qui mène à l'impureté, faiza nama bi haisu. Regardez ce que le cheikh va dire. S'il dort, même si son ablution est nulle, il ne s'en rend pas compte, alors, son ablution est nulle. Mais s'il dort et que il fait sortir le vent et il se rend compte, son ablution est là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est par cela qu'on va rassembler les dalils. C'est-à-dire quoi? Si la personne dort, il est assis, il est en train de dormir, qu'il soit couché, ou bien qu'il soit assis, il n'a souché. Il n'y a pas de différence. Mais, il sait très bien ce qu'il y a autour de lui. Alors, celui-là, s'il s'élève, son ablution n'est pas nulle. C'est An-Naoum Yassir, le sommeil léger. Ça va? Il sait ce qui se passe autour de lui. Même si le vent sort de lui, alors, il sait très bien que le vent est sorti. Donc, celui-là, son ablution n'est pas nul. Mais si il est profond dans le sommeil et il se lève et lui-même il sait en lui-même qu'il a dormi. Est-ce que vous comprenez? Qu'il était profond dans le sommeil. Celui qui dort sommeil léger, il sait très bien. Celui qui dort aussi sommeil profond, il sait. N'est-ce pas? Donc si ton sommeil est profond, tu te lèves, tu prends les ablutions. Parce qu'en ce moment, tu ne sais pas si c'est sorti ou pas. Mais si ton sommeil n'est pas profond, tu ne prends pas d'ablution. Est-ce que vous comprenez? C'est par cette voie aussi que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a rassemblé les dalil. Ça va? Comme il y a une qissa qui est arrivée, une qissa avec l'un d'entre nos savants. Allezina qalu bi qawli musannif. Ceux qui ont dit, si la personne est assise, son sommeil n'est pas profond. S'il est couché, son sommeil est profond. Donc il a dit cette parole. Ce savant, il était sur ça. C'est-à-dire, si tu es assis, il n'y a pas de problème. Si tu te lèves dans ton sommeil, tu ne prends pas les ablutions, mais si tu es couché, tu prends. Donc, il était assis dans une assise. Et il était à côté de lui, ahdithoa là-bas, na'iman. Il était assis. Fa akhraja hadha talib rihan wa huwa jalis. L'élève a fait sortir du vent. Hein? Pendant qu'il était assis. Fa jaa waqtu salat. Et l'heure de la prière arrivée. Fa qala hadha al-alim li dhaka ar-rajul. Le savant, il a dit à cet homme-là. Kum tatawadda. Lève-toi, prends les ablutions. Qala lahu talib. Wa huwa yadrusu indahu. Donc l'étudiant a dit. Pendant que l'étudiant étudie avec lui, il sait que c'est le mazhab de son cheikh. Donc il dit, j'ai suivi ton mazhab. Comment tu dis de prendre l'ablution alors que toi tu as dit que si on s'assoit, l'ablution ne s'annule pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant j'étais assis, je ne suis pas tombé. Le savant lui a dit, lève-toi, faqad sami'tu wa shamamtu. J'ai entendu et j'ai senti l'odeur. Wa inni ushhidukum. Et il dit, je vous prends en témoignage, comme des témoins. Anni raja'tu an qawli. Je suis revenu sur ma parole. Je suis plus sur ça. Hein? Il peut arriver. Hein? Souvent même, tu es en train de faire khutba. Et puis tu es là, tu parles, et puis tu attends. La personne, il est assis. Il n'est même pas couché. Donc, la différence, ce n'est pas la situation. Que tu sois couché ou que tu sois assis. La différence, c'est ton sommeil. Si c'est profond, tu te lèves, tu prends les ablutions. Mais si ce n'est pas profond, alors, khalas. Souvent même, quand tu es assis, même c'est là, même lui, il sort vite. Parce que souvent, quand tu es assis, surtout même quand tu mets tes deux pieds en haut, là, il n'y a pas de barrière. Il est là, il attend seulement. Hein? Dès que ça vient net, il évacue. Donc, c'est de faire attention. Voici le sahih dans la mas'ala. Si le sommeil n'est pas profond, alors, tu ne prends pas les ablutions. Si le sommeil est profond, tu prends les ablutions. والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك وأتوب إليك